Réveille-toi, me dit le soleil, même si la nuit a été brève. La vie n'est pas faite que de grève. Lève-toi et va faire le bon élève. S'il te plaît, trouve-moi de meilleurs rêves. Les rêves, ça se compare pas, dit le roi Arthur dans Camelot. Me refourre pas ta Camelot, la compote, je la laisse aux 100 dents. En parlant dedans, je croque la vie à pleines dents, quitte à en perdre une en chemin. J'ai pas des dents de lapin, je suis pas B-Rabbit, mais j'essaie de poser sur des bons beats. Et que ceux qui ne sont pas contents me sucent la b... La conseillère me parle de costard. Quand je lui parle de pouces et des brancards, je peux pas lui en vouloir. Le système est mal fait, malfaitrice. Ce sont les faits qui sont penchés sur le berceau du vice. C'est pas un caprice, bien caché sont mes cicatrices. Et pour boire le calice jusqu'à la lie, mon lit devient un parapluie contre toutes ces folies qui se multiplient. Je plie et les gaules, adieu Paul. Ma tête n'est pas un punching ball. Mon rôle, c'est d'enflammer un musical bourré à la gnôle pendant que les minettes miaulent. J'adore la nuit, leurs bureaux ne nuisent plus à la belle de nuit que je suis. Plus de halo dans le bigorneau, les escargots ne sont pas ce qu'on croit. Moi j'avance avec mon stylo. Allez, calme-toi, pose-toi. Mais j'arrive pas à me calmer, trop de cons veulent me sortir de mon cocon. Je franchirai le Rubicon avec un picon sur le dos d'un faucon, tout en sachant que je suis sûrement le con de quelques-uns. Laisse pas toujours ton cerveau sur on. De toute façon, ce putain de réveil est toujours monotone. Toujours monotone.